chagar. Matin brumeux, regard blafard. Sortie d'usine, rentrée chez soi. Odeur d'urine, de fin de droit. Papillon sinistre, payable à vie. Espoir brimé, par trop de soucis. Elle me regarde, mélancolie. De vague à l'âme, en cœur meurtri. Des kilomètres de vie en rose. Je ne suis pas magicien d'Oz. Parfois sourire par dignité. Elle se rapproche à son écran. Je ne suis plus qu'un étranger. De vieilles photos, des jours bénis. De l'insouciance qui s'est enfuie. Parfois elle pleure, le temps passé. Tant de regrets, sa vie l'ennuie. Kilomètres. Je ne suis pas magicien d'Oz. Sa vie l'ennuie, j'en suis la cause. La cause. La cause.